j'ai regardé ça, mais parle-moi sur mon mail parce que moi j'ai 1000 messageries et puis. J'aime pas lire les messages comme chaud là. Les autres mails c'est chiant. Mais ouais, avec plaisir, c'est avec. T'es... Oui, super. Pardon, t'es chiant. J'arrive 8 secondes. Ça fonctionne. Not so far. Matrix. Enfin, c'est pas Matrix, c'est Hiroko Izaki, par toi, enfin, par tout, je ne sais plus qui. Ça. Ah. Ah, bah non, enfin. Barry Lyndon. J'essaye un autre son. Son. C'est super. Tillover, je sais pas si tu sais Yann, il est de Bordeaux. C'est notre voisin. Il faut l'inviter à la maison. Ah, moi, je suis technoïde ce soir. Sur les bords. Sidechain Delta Lo. Bon, ouais, c'est trop sidechaineux ça, on est pas d'accord. Il a mis to go to the river. To the river. To the river. Thank you. ces notes de piano. On a l'impression que l'histoire va finir. On va recommencer. Tourne ton dos contre mon dos. Que fais-tu? Able to listen. Able to share. Because we are in jammers. Okay. able to create noise. Thank you Ninja, thank you Network. Derrière moi. après moi le déluge. Non, je comprends pas. Pas de ça, pas de ça. Finalement, il resterait trop de questions. Comment This. Ah, pardon. Mon wake up. coupure intempestueuse. Oh. depuis les débuts. Because we are the people. About the love, about the thing, about the touch. We the people. Oh, nos vemos. Le câble, c'est le micro, le Mickey, va falloir en racheter un, alors que j'avais acheté un trépied pour qu'il tienne bien debout dessus, mais c'était pas le câble, c'était pas le pied, c'était le mic. Regarde, contemple, regarde la beauté. Ah, j'entendais comme... Allez, on va squatter d'autres gens. On va squatter d'autres gens. Bon. Non, mais c'est surtout que... Pour deux. Je regarde.